the cold dresses that she wore. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, la bienvenue sur Hope Radio, la radio 100% hautboise. Au programme ce soir, c'est Angelo qui prend les commandes, eh oui. On va démarrer d'ici quelques minutes, en attendant je vous cale Visitor, la version de Koto. Bon début de soirée, on se retrouve dans quelques instants. Hope Radio. 100% hit. Écoutez votre émission live, c'est pas difficile. Le site officiel de la radio, tous les liens sur la page sociale Hope Radio sur Facebook ou tout simplement sur zeno.fm/hope-radio. Excellente écoute, on se retrouve dans une poignée de secondes, une poignée de minutes. Le temps pour moi d'aller chercher un petit café et puis je suis à vous. Hein. Bonne écoute. Oreilles, on démarre dans un instant. Vous êtes calé sur Hope Radio, la web radio 100% hauboise. Vous nous écoutez sur zeno.fm/hope-radio ou tout simplement sur le site officiel de la radio. Toutes les infos sur la page Facebook. La radio 100% hit. Mesdames et messieurs, ce soir, soirée spéciale, vous allez assister en exclusivité. Oh yeah! Et c'est maintenant. Ladies and gentlemen. Attention, mes amis, La soirée démarre. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Yeah! Venu des quatre coins de la galaxie, il mixe en live dans ta radio. Voici Angelo. C'était il y a longtemps, très très longtemps. Et ben voilà, c'était il y a très très longtemps, et oui, mais c'est maintenant. Vous êtes calé sur Aube Radio, la web radio 100% auboise. C'est Angelo qui vous accompagne, allez, jusqu'à 22h30, hein. Alors au programme ce soir, du son, du hit et principalement de l'Italo Disco. Eh ouais, que voulez-vous, on se refait pas, hein. Excellente écoute. You never broke my heart, you never let me die. What you see, what you feel, you broke my heart. Wasn't meant to be. la petite version comme on les aime, comme ça, bien italo disco dance. Et oui, ce qui tourne actuellement, Bread Lake, mon amour, la version extended track. Ah, on est bien. A memory, an open door to you. You never broke my heart, you never let me die. Allez, pour la suite, je vous calme, Matt Imka Makeup, c'est Silver Pozzoli, les trois à la suite. Vous nous écoutez sur zeno.fm/obradio- tout simplement, ou sur la page, ou sur l'application, le site officiel. Excellente écoute, on est ensemble jusqu'à 22h30, c'est Angelo qui vous accompagne, obradio. C'est quoi un disque jockey? C'est un monsieur qui chante dessus le disque. Aube Radio, Aube Radio, la radio, la radio, du côté de Troyes. Aube Radio, Aube Radio, Aube Radio, la web radio, Aube Radio, 100% au bois. Japanese girl, Japanese girl. Take my heart. Comme ça dans mes oreilles, ça fait du bien. Do you really need me? La formation KB Caps, vous êtes calé sur Home Radio, c'est toujours Angelo qui vous accompagne. le bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Il est nul, ce disque jockey. Voilà encore un disque jockey qui va être demandeur d'emploi. Est-ce qu'il est mauvais? Ouais, qui coule, hein. Voilà encore un disque jockey qui va être demandeur d'emploi. Voilà. Bon, bah, je prends sa place. Ah non, ça, il en est pas question. Je garde ce disque jockey, disque jockey. Bon, ben, les vraies questions, hein. Il garde ce disque jockey, pas de balle pour vous, pas de balle par vos oreilles. Pour l'heure, voici Plotty Baby, la formation Sylvester Pontier. We'll be right back. La formation Silver Pozzoli Pretty Baby. Eh oui, tout à l'heure j'ai dit Sylvester. Non, non, non, c'est bien Silver, hein. Pour la suite, je vous décale et Ken Laszlo, la formation Madame. Et puis, bah, bien sûr, bien après. Puisque Hub Radio, pardon, est une génération, une web radio multigénération. Ah, bah, je vais y arriver. Multigénération, on ira faire un petit tour avec les grosses nouveautés du moment. Bonne écoute, vous êtes calés sur Hub Radio. Hein. De quoi vous rafraîchir les oreilles, les petits souvenirs comme ça en passant. Madame, la formation Ken Laszlo. Et puis tiens, puisqu'on est encore au début de l'année, j'en profite pour souhaiter mes meilleurs voeux. Mes meilleurs voeux au nom de l'équipe Hub Radio, votre web radio 100% auboise. Allez, dans quelques instants, chose promise, chose due, le plein de nouveautés dans vos oreilles. Je vous cale à la suite Amir, Clara Luciani, Angèle, Rizza. Bonne écoute, vous êtes calés sur Hub Radio. Stand here and let it end.

de miel et de jeux interdits. Elles allaient au lycée dans leur robe légère, autant des baisers volés, soir de la Trinité. Le quartier a changé, mais vos cœurs sont restés à tout jamais, soir de la Trinité. Quand je vous parlais du boss, eh ben oui, Jean-Baptiste Guégan, la voix officielle de Johnny Hallyday. Eh ouais. Jean-Baptiste Guégan qui sera d'ailleurs en concert cette année, bah oui, en 2020, fin novembre, au Cube de Troyes. Hein, les réservations, point de vente habituel. Square de la Trinité. À passer. A pu vous faire oublier, soir de la Trinité. A pu vous faire oublier, soir de la Trinité. Aube Radio. Aube Radio. La radio, la radio du côté de Troyes. Aube Radio, la web radio, 100% au bois. 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts. Mon Dieu. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Gigawatts, mais c'est quoi gigawatt? Ouais, cherchons pas à comprendre, hein, c'est un calcul très scientifique. Pour l'heure, voici Camaro's Gang, Happy Song, Baby's Gang. Everybody dancing all along, trying to do it. Thank you. give you all regards. If I thought to take your hand and take the air, we'll find shelter in the lonely sky. And in the silent, silent space, there is a heartbeat only for you. If I thought to take your hand. requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host. Home Radio, la radio 100% hit. Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. La balla di canzoni tutti in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna, ci porta la fortuna, canta insieme a me, uno, due, tre, Paolo, buonasera signorina. Allez, bon, bien terminé cette petite série Italo pour ce soir, et oui, 22h30 approche rapidement. On est encore ensemble pour une petite quarantaine de minutes, hein, à peine. Et puis juste après, on ira faire un petit tour, histoire de se reposer un peu les oreilles. Plein de souvenirs. Les petites versions slow, bah oui, c'est quoi un slow? Putain, la nouvelle génération n'en sait rien du tout. On vous la fait revivre ce soir sur Home Radio. Excellente écoute, Angelo pour vous accompagner. Le meilleur des hits, voici Bala Bala, la formation Francesco Napoli. Tu lo sai, buonasera signorina, baciami ancora. Buonasera signorina, baciami ancora. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Balla, balla Italia. La luna, ci porterà fortuna. Domani, domani, si so che tu mi ami. La luna, ci porterà fortuna. Domani, domani, se verrai con me sul mio carro tra le nuvole, in alto del carro del sole, sull'ultima stella lassù, se verrai. La la la, la la la la la, la la la, la la la la la, la la la, la la la la la, la la la, la la la la la. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Cin cin, salute a te. Cin cin, al nostro come il vento che fa dimenticare chi non sa mai. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. se sono qui a ricordare, a ricordare te. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Pranzo a squarciarelli, fettuccine, vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli mortalò. Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Aube Radio, radio, la radio, la radio, du côté de Troyes. Aube Radio, radio, la web radio, la web radio, 100% au bois. Et le tempo descend. Descend. Voici les slows. Le cœur. Comme une fleur fanée qui meurt dans notre jardin secret. C'est la tristesse de n'avoir jamais pu être aimé. Je voudrais être un nain pour avoir une grosse bite. Je voudrais être un nain pour avoir une belle trique. Je voudrais être un nain pour avoir une belle bite, mais je ne suis qu'un géant. Words too hard to say. Il y a 500 000 ans, vous étiez les premiers hommes. Le soir, dans les cavernes, résonnaient les chants. Aujourd'hui, cet instinct est toujours en vous. Et vous vivez encore cette émotion. Bonjour, ici Bond. Mission accomplie. Tous les hits sont en place. Chut. Les autres radios nous espionnent toujours. Eh oui, tous les hits sont en place. Les petites versions slow, bah oui, comme on était dans les années 80. Les petits souvenirs qui remontent comme ça à la surface. Et puis tiens, on s'envoie. Bella Vita, David et Jonathan. La più bella del mondo, tu già lo sapevi, come ti voglio però. You started a fire that you didn't follow me. Burning desire, or which build inside of me. Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.

to do. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the real thing can be. Dreams are my reality, a wondrous world where I like to be. I dream of holding you all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. We'll be right back. stand up. I walk. Yes, I walk. Can't see the sky. Et ben voilà, la soirée s'achève dans une poignée de secondes. Bah oui, ça passe vite, hein. On appelle plein de tubes, des hits, des anciens petits souvenirs comme ça, bien tranquille, pour cette première émission de l'année. Aube Radio, votre web radio 100% Oise, continue 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tous les liens d'écoute sur notre page Facebook Aube Radio. Zeno.fm/aube-radio. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas. Celui qui boit, bah, conduit. Celui qui boit pas, bah, conduit pas. Enfin bref, l'inverse. Faites plein de bonnes choses que vous voulez et méfiez-vous des imitations. Ah, salut, bye bye. Rendez l'antenne. Aube Radio, la radio du côté de Troyes. Aube Radio, la web radio 100% au bois.